la pluie, l'asphalte de la 86. La ville, atroce et merveilleuse, les stumioptiques saturent, le trafic intense, pourtant si fluide. Glissements de surface sont aspérités. Je m'enfonce dans les sièges passagers. À mesure que tu gardes le sens de la mécanique, pierre plancher, des recades périphériques en place, des arbres malingres. Des arbres malingres, des hangars de seins épurés, je devine les forces vives au travail derrière les paroles à verre doré. Je devine la densité des conversations téléphoniques, je devine les transactions commerciales, je devine la complexité de ces constructions électroniques, je devine le monde qui s'excite. Dans ce bureau open space. La ville, atroce et merveilleuse, atroce et merveilleuse, atroce et merveilleuse, atroce et merveilleuse. Je devine les forces vives au travail derrière les paroles à verre doré. Je devine la densité des conversations téléphoniques. Je devine les transactions commerciales. Je devine la complexité de ces constructions électroniques. Je devine le monde qui s'excite dans ce bureau open space. La ville, atroce et merveilleuse, atroce et merveilleuse, atroce et merveilleuse, atroce et merveilleuse.